Salut à toutes et à tous, et ici Donny Jeep en direct d'une galaxie pas si lointaine où les gros éditeurs de jeux vidéo comprennent tout au business, mais pas vraiment grand-chose à l'univers Star Wars. Il y a clairement une perturbation dans la Force, et c'est inutile d'aller s'embourber dans les marécages humides de Dagobah pour y trouver la source. Il suffit même d'aller faire un tour du côté de Redwood City sous le soleil de Corriban. Non, excusez-moi, de Californie, au temple site d'Electronic Arts, Darth EA pour les intimes. Cette semaine, ce charmant seigneur noir nous a, dans sa grande magnificence, appris que Visceral Games, son apprenti, n'était plus. Et qu'à l'académie de Redwood, il y allait avoir du changement. Pour le bien de toute la galaxie du gaming, cela va sans dire. Et ça, amis Padawan, Jedi, Bounty Hunter, Smuggler et autres Jawa, cela valait bien un petit avis. Allez Chico, on met la gomme. Electronic Arts a donc annoncé cette semaine un changement significatif de direction dans la production de leur jeu solo Star Wars, ce qui a pour conséquence la disparition du studio Visceral Games. Pour rappel, Visceral, anciennement EA Redwood, est généralement connu et même reconnu pour sa trilogie Dead Space, jeu d'action type survival horror qui, avec son premier opus en 2008, avait amené un sacré vent de fraîcheur dans le genre. Suite au démantèlement de LucasArts après le rachat de Lucasfilm par Disney, Electronic Arts avait racheté la licence Star Wars pour le domaine du jeu vidéo et donné à Visceral Games le développement d'un titre solo. Le studio y travaillait depuis 2013. À la tête du projet, on retrouvait Amy Hennig, maman de la trilogie Uncharted, qui était partie de chez Naughty Dog durant le développement du quatrième opus des aventures de Nathan Drake, dans des conditions un peu obscures. À l'écriture, elle était accompagnée par Todd Stashwick, qui devait également tenir le rôle principal. Durant le développement du titre jusqu'à la fatidique nouvelle de cette semaine, très peu d'infos ont circulé sur le jeu, et encore moins des images. Quelques artworks seulement, et une très très courte, mais alors vraiment très courte vidéo à l'E3 de 2016. Tout juste savions-nous que nous aurions affaire à un jeu action-aventure, linéaire à la troisième personne, axé autour d'une forte narration. Une sorte de Uncharted à la sauce Star Wars, donc. Et c'était là quelque chose de rafraîchissant, puisque pour l'instant nous avions le MMORPG Old Republic de BioWare, qui pour rappel ne fait pas partie de l'univers officiel canon Star Wars, et le dernier Battlefront qui lui se contentait de ne proposer que du multijoueur. Mais lorsque l'on regarde la déclaration de Patrick Soderlund, vice-président d'Electronic Arts, on se rend compte qu'ils ont été tout surpris, mais alors ça alors vraiment, de se retrouver avec un Uncharted-like, et que ce n'est pas ce que les joueurs veulent le plus. Enfin, disons que ce n'est pas ce qui va ramener le plus d'argent dans les poches de l'éditeur. Mais écoutons donc ce que dit ce cher Patoche. Et là, je préviens, je vais le doubler avec une voix de merde type gratte-papier du clan bancaire intergalactique. Dans sa forme actuelle, le jeu s'orientait vers une aventure linéaire, pilotée par le scénario. Au fur et à mesure du développement, nous avons fait tester le concept du jeu à des joueurs, écouter leur retour sur ce à quoi ils voulaient jouer et comment ils voulaient jouer, et suivi de près les changements profonds du marché. Il est devenu clair que pour offrir une expérience qui donne envie aux joueurs de revenir et qu'ils apprécient sur le long terme, nous devions réorienter le projet. S'ils rajoutent qu'ils vont garder la patte graphique de l'univers Star Wars et une envie de créer une histoire, le plus important sera, je cite, « de donner aux joueurs une plus grande variété d'actions et de liberté afin de laisser une grande place à l'exploration. » Conséquence directe donc, la fermeture de Visceral Games, dont les équipes vont être dispatchées dans différents studios d'Electronic Arts. Le projet va lui aussi être redispatché, et s'il n'est pas officiellement annulé, on a bien compris que c'est un tout nouveau titre qui sera développé. Souvenez-vous du fameux Star Wars 1313, là encore un jeu d'action-aventure solo narratif linéaire à la troisième personne, qui avait été mis en suspens suite au rachat de LucasArts par Electronic Arts, avant d'être finalement enterré des années plus tard. En ce qui concerne Amy Hennig, EA n'a pas encore vraiment décidé quoi faire d'elle, et selon les dernières déclarations de la compagnie, des discussions sont en cours. Quant à Todd Stashwick, sera-t-il toujours le rôle principal? C'est impossible de le dire, pour tout commentaire, il a seulement publié une photo de lui sur Twitter, où la joie se respire vraiment à fond sur son visage, et il faut dire que l'annonce d'Electronic Arts tombe quelques jours seulement après son anniversaire. Un timing de rêve pour l'acteur. D'ailleurs, il est amusant de noter qu'il pose avec Janina Gavankar, qui tient elle le rôle principal dans la campagne solo du prochain Battlefront. Campagne qui sera l'occasion de découvrir enfin une véritable histoire dans le nouvel univers canon Star Wars. Chose qui avait été réclamée par beaucoup de joueurs, et que EA, dans sa grande magnificence une nouvelle fois, nous a octroyé. La demande pour une histoire solo est donc là. Alors pourquoi Electronic Arts modifie ses plans? Quelle est la véritable raison derrière tout ce bordel? Business is business. Une campagne solo proposée dans un jeu multijoueur est une chose. Un jeu entièrement solo en est une autre. Surtout dans le monde des superproductions vidéoludiques, les fameux AAA. Il y a quelques années, le multijoueur était un bonus que l'on trouvait dans des titres AAA solo. Aujourd'hui, ça devient limite le contraire, et plus le marché des superproductions évolue, plus ce changement se renforce. Cliff Bleszinski, papa de Unreal ou encore Gears of War, avait déclaré en 2016 que les AAA, dans leur forme originelle, se mouraient, et qu'ils étaient remplacés par les Game as a Service, ces jeux qui sont constamment mis à jour, truffés de DLC voire de micro-paiements, et dont le but ultime serait d'avoir une jouabilité presque infinie, et donc de faire ramener constamment de l'argent pour auto-nourrir sa propre production. Pour ce faire, il est nécessaire que ces jeux soient en constant développement. Ils proposent souvent des mondes ouverts ou simili-ouverts, avec l'arrivée régulière de nouvelles maps, nouvelles features, pour garder constamment les joueurs éveillés. On est donc loin du modèle du jeu narratif linéaire qui, une fois fini, est fini. Et dont la rejouabilité n'est effective que si le titre est bon et a plu. Personnellement, je fais partie de ces personnes qui revoient plusieurs fois les films qu'ils aiment, relisent les livres qu'ils ont dévorés et refont les jeux qu'ils ont adorés. Mais je ne pense pas que cette pratique soit la plus courante et surtout celle qui ramène le plus d'argent dans les caisses d'un éditeur de jeux vidéo. Le Game as a Service amène un changement de paradigme dans l'industrie du jeu vidéo, surtout en ce qui concerne donc les AAA. Il suffit de compter le nombre de jeux solo qui débarquent dans cette catégorie blockbuster ces dernières années pour voir à quel point cela devient fort à la mot. Et encore, ceux qui ne sont pas clairement des RPG, donc narrativement pas linéaires, vont tout de même, pour exister, proposer des mondes ouverts ou simili-ouverts avec des éléments RPG. Uncharted 4 est peut-être le dernier grand représentant en date du AAA solo narratif linéaire. Et encore Naughty Dog, outre leur talent indéniable, bénéficie du fait d'avoir Sony comme éditeur. Sony qui est principalement un constructeur. Il peut donc se permettre les coûts de développement d'un tel jeu, car ils le vendront en même temps que leur console. Microsoft a fait aussi cela avec Quantum Break, même si le jeu de Remedy a moins bien fonctionné. Le studio finlandais semble d'ailleurs parti pour tester d'autres horizons avec leur nouveau projet. Chez les autres éditeurs, Bethesda semble vouloir persévérer. Et il faut vraiment espérer que leurs titres se vendront assez bien pour qu'ils gardent la foi. Rockstar, quant à eux, semble vouloir de plus en plus incorporer du multijoueur et ou de la coop dans leurs titres, et on se rappelle que le DLC de GTA V, le DLC solo, a été abandonné au profit d'un développement renforcé du multi de ce même jeu, car le multi fonctionnait à merveille. Nul doute qu'on aura le même genre de choses avec Red Dead Redemption 2. Le AAA solo narratif linéaire ressemble donc de plus en plus à Luke Skywalker sur Ark 2. Un Jedi perdu et solitaire. Et ce que vient de faire Electronic Arts avec le projet Visceral ne va pas ranger les choses. C'est un peu genre la Death Star, mais sans X-Wing pour la faire exploser. Alors je ne critique évidemment pas les joueurs qui aiment ce nouveau type de AAA, accès multi, coop, etc. Je ne critique d'ailleurs même pas ce type de jeu. Je trouve juste dommage qu'il devienne plus qu'une norme, un nouvel ordre. Un chemin limite obligatoire reléguant les titres solo narratifs linéaires sur des voies de garage. Il est devenu presque normal de considérer que ces titres sont maintenant l'apanage des productions de moyenne envergure, voire même essentiellement du monde du jeu indépendant. Et c'est d'autant plus triste dans le cas précis de Star Wars que c'est justement là une licence suffisamment puissante et reconnue pour pouvoir attirer des joueurs sans risque de déroute financière. Car c'est là le problème. Electronic Arts ne risquait vraiment pas grand-chose avec le projet de Visceral, mais ils ont préféré suivre le mouvement actuel. Alors, je n'ai pas le pouvoir de voir l'avenir à travers la force, mais j'ai l'impression que le prochain Star Wars sera soit un pseudo Destiny, soit un pseudo Assassin's Creed. Et j'avoue que ça ne me plaît pas. Même s'il y aura sans doute beaucoup de joueurs qui seront aux anges et ne verront pas, pour certains, le cercle vicieux dans lequel le monde du AAA semble tourner. So this is how liberty dies. With thunderous applause. George Lucas expliquait que Star Wars, son univers si étendu soit-il, plus qu'un bestiaire immense, des planètes et étoiles par milliers ou encore vaisseaux à gogo, était avant toute chose une histoire. En voulant reléguer celle-ci en arrière-plan au bénéfice de l'univers, EA prend le mauvais chemin, à l'encontre totale de l'essence même de la licence qu'il a récupérée. Et comme le dirait Maître Yoda, lorsque l'on s'engage sur ce chemin, à jamais il dominera notre destinée. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous pensez du récent move d'Electronic Arts ou encore de l'évolution globale des jeux AAA dans le paysage vidéoludique. Comme je le répète assez souvent, je ne donne ici que mon avis et je serai ravi d'en débattre du moment qu'on m'oppose des arguments et pas de simples récriminations. J'ai aussi mentionné plusieurs fois le nouvel univers canon Star Wars au cours de cette vidéo et promis je développerai cela très prochainement dans le premier Game Out. J'aurais dû le faire cette semaine mais l'actualité m'a fait changer mes plans. Je vous dis donc à très bientôt, merci encore et que la force soit avec vous.